Nous avons abordé le chapitre 9 du livre de Daniel, ce chapitre où le prophète reçoit la visite de l'ange Gabriel. Cet ange lui annonce l'avenir du peuple d'Israël et, entre autres, lui précise l'année de la crucifixion de Jésus-Christ. En effet, selon cette prophétie, le Messie devra être retranché, c'est-à-dire crucifié, 483 ans après l'ordre royal donné pour la reconstruction de Jérusalem. Mais Daniel 9 ne parle pas seulement de cette période de 483 ans. Il mentionne aussi une période de 7 ans où doivent se concentrer d'importants événements pour Israël. Irruption d'un dévastateur, sacrilège au temple de Jérusalem, puis purification de ce temple en des temps fâcheux. On aurait donc pu s'attendre à ce que ces événements soient consécutifs à la crucifixion de Jésus-Christ, survenue en l'an 29 ou 30 de notre ère. Mais il n'en fut rien. Ces événements ne se sont pas accomplis durant les années 30 à 37, malgré le fait que, dans la prophétie de Daniel, ils font immédiatement suite à l'annonce de la crucifixion de Christ. Durant ces 7 années, ni la ville ni le temple n'ont été détruits et aucun dévastateur n'a commis des choses abominables. C'est vrai qu'en l'an 70, Jérusalem a été détruite et les Juifs chassés de leur patrie. Mais puisque d'autres éléments de la même prophétie ne se sont pas accomplis à ce moment-là, force nous est d'admettre que le prophète n'entrevoyait pas cette calamité-là. Nous l'avons déjà dit à propos des chapitres 2, 7 et 8, Daniel était un prophète juif qui s'adressait à son peuple. Or, lorsqu'Israël a été brusquement arraché à ses racines en l'an 70 pour être dispersé pendant 19 siècles, il a été comme rayé de la carte et de l'histoire. Et il a fallu attendre l'année 1948 pour que l'entité nationale juive se reconstitue. Dans sa vision prophétique, Daniel n'a pas été informé que 19 siècles allaient s'interposer dans l'histoire de son peuple à partir du moment où Jésus-Christ serait crucifié. Ignorant donc ces 19 siècles d'histoire, Daniel poursuit sa prophétie comme si les événements qu'il prédit devaient se succéder sans interruption. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, et surtout parce que nous pouvons disposer de toute la révélation biblique, les choses s'éclairent. Le Nouveau Testament nous montre que l'ère chrétienne, période de l'Église de Jésus-Christ, était un mystère caché aux prophètes. Et l'Apocalypse fait correspondre les 7 dernières années dont parle Daniel chapitre 9 aux 7 années du règne de l'Antéchrist et de la Grande Tribulation. La période de la 70e semaine de Daniel est donc encore devant nous, mais son accomplissement est imminent. Dans ce chapitre 9, Daniel prévoit donc les actes de l'Antéchrist lorsqu'il prédit, verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. » Examinons maintenant les expressions « une semaine » et « au milieu de la semaine », en nous référant cette fois à l'Apocalypse. Si le dernier livre de la Bible limite la durée de la grande tribulation à 7 ans, il la départage en 2 périodes égales de 3 ans et demi. La première, d'une relative quiétude pour Israël, et la deuxième qui réserve les pires épreuves à la nation élue. Or, cette épreuve profonde aura un dénouement. Un dénouement que Daniel entrevoit ainsi. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Ces paroles, bien obscures, ont certes besoin d'explications. Les transgressions, le péché, l'iniquité d'Israël, n'est-ce pas avant tout le crime de lèse-majesté que le peuple juif a commis il y a près de 20 siècles en crucifiant son Messie? Or, pour que ce péché soit effacé, il faut, de la part de toute la nation, une humiliation profonde. Ce jour viendra. Le prophète Zacharie le décrit en termes pathétiques. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie 12, 10. Alors Israël cessera de s'appuyer sur ses mérites propres ou sur ses succès militaires pour s'en remettre à la seule grâce divine. Et il invoquera son Dieu pour obtenir le pardon de ses péchés. Et c'est ainsi que le Seigneur mettra la nation juive au bénéfice de son œuvre expiatoire accomplie à la croix du calvaire. Ainsi, il fera cesser les transgressions. Ainsi, il mettra fin au péché. Ainsi, il imputera sa justice éternelle à son peuple en lui accordant le pardon. Mais il y a plus encore. Reprenons la lecture de Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Encore des expressions difficiles à comprendre, mais que l'ensemble des textes bibliques traitant de ce sujet nous aident à interpréter. Le pardon et la réhabilitation accordés à Israël mettront un sceau à l'ensemble des prophéties bibliques, puisque dès lors, le Messie régnera à Jérusalem et restaurera son sanctuaire dévasté. Tous, juifs comme non-juifs, pourront dès lors y adorer le Dieu vivant en esprit et en vérité. Dans le collimateur prophétique de Daniel 9, les mots « oindre le saint des saints » se réfèrent à ce rétablissement du temple. Ils font allusion au lieu très saint, c'est-à-dire à l'emplacement de l'Arche de l'Alliance où Dieu se tenait dans le tabernacle de Moïse comme dans le temple de Salomon. Or Dieu se tiendra à nouveau dans le lieu très saint de Jérusalem lorsqu'il sera purifié et oint. Mais pourquoi donc ce lieu très saint devra-t-il être purifié ? Parce que l'Antéchrist, l'adversaire de Dieu, le super dictateur qui doit incessamment régner sur notre planète, aura été jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Souvenons-nous que Jérusalem signifie littéralement « ville de la paix ». Dans cette ville de Jérusalem, appelée à devenir un jour la ville de la paix et de la réconciliation des peuples, l'Antéchrist aura causé d'incroyables ravages. Il aura commis des abominations en plein sanctuaire. Daniel l'a annoncé il y a 2500 ans et le Seigneur Jésus y a fait allusion dans son discours prophétique de Matthieu 24. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Verset 15. Récapitulons. D'abord, l'Antéchrist fera alliance avec Israël, délivrant momentanément Jérusalem de la menace militaire qui pèsera sur elle. Puis il trahira le peuple juif, mettant brusquement fin, au bout de 3 ans et demi, à la paix euphorique et illusoire qu'il lui aura proposée. Israélites et Israéliens connaîtront alors un sort infiniment pire que celui qui avait été réservé à leurs ancêtres il y a 22 siècles, lorsque le roi syrien Antiochus Épiphane avait profané le temple de Jérusalem. Toutes les nations de la terre prendront alors les armes contre Jérusalem et l'investiront au cours de la bataille d'Armageddon dont nous parle l'Apocalypse. 200 millions de soldats traverseront l'Euphrate et envahiront les pays bibliques pour supprimer l'État juif et déclarer ouvertement la guerre au Tout-Puissant. Mais, au moment crucial, Christ reviendra du ciel pour frapper l'Antéchrist. Nous lisons « Le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement. » 2 Thessaloniciens 2, 8. C'est aussi ce que le chapitre 9 de Daniel confirme à sa manière au verset 27. « Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Alors donc paraîtra Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Apocalypse 19, 16. L'arbitre d'un grand nombre de peuples, Ésaïe 2, 4. Le prince de la paix, Ésaïe 9, 5. Le chef et le dominateur des nations, Ésaïe 55, 4. Alors il établira son règne de paix et de justice et couvrira de gloire la planète Terre pendant 1000 ans. Quelle perspective ! Chers auditeurs, vous en réjouissez-vous? Faites-vous des préparatifs pour ce glorieux avenir? On pourrait dire bien d'autres choses de ce chapitre 9 de Daniel, mais j'aimerais m'arrêter encore à une phrase du verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ou selon une version plus littérale, il n'y aura personne pour lui. C'est à la croix du calvaire que Jésus-Christ a été retranché de la terre des vivants. Ésaïe 53, 8. Il a affronté seul le supplice, la condamnation la plus injuste, la mort la plus ignoble. Tous ses disciples l'ont abandonné. Le monde s'est détourné de lui. Personne ne s'est levé pour prendre sa défense. Non, il n'y a eu personne pour lui, prêt à prendre son parti et à se ranger résolument à son côté. Personne. Personne. Mais quelques semaines après la crucifixion du Christ, la Pentecôte a comme effacé la honte de cet abandon général. Les apôtres ont été saisis et transformés par l'effusion du Saint-Esprit, et depuis, des millions de disciples se sont enrôlés volontairement dans les rangs des combattants de Jésus-Christ. Or aujourd'hui, ils cherchent encore des hommes et des femmes prêts à se ranger 100% à ses côtés. N'y aurait-il personne pour lui parmi les auditeurs de cette émission? Personne qui soit prêt à le suivre et à le servir, quel qu'en soit le prix? Répondez maintenant à l'invitation de Jésus-Christ en vous mettant à sa disposition pour le suivre et le servir dans nos temps de la fin.